Como es añoso tener la vieja mamá, como es azúcar y amo quité bayama. L'argent ne fait pas tout le bonheur, ouyouya toto. L'argent ça va, ça vient. L'argent c'est rien, ça c'est vrai ça. L'argent ça va, ça vient. L'argent c'est rien, ça c'est vrai ça.